sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Et c'est actuellement le début de l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur donc Canal Sud. Des avidités ambulatoires, des raisons aux raisons et de l'incohérence maîtresse, donc toujours la maîtresse de l'amour, le vrai, le beau. On va regarder ça pour plus tard. Voilà, donc bienvenue sur Canal Sud pour cette veille de bientôt Noël. C'est beau, la vie. Des droits de l'homme, il s'appelle le bilan d'une législature sécuritaire. Alors je peux pas tout vous lire parce que ça prend deux pages écrites très petit, mais par exemple on peut y lire qu'il y a l'extension des fichiers automatisés pour les auteurs d'infractions sexuelles, la surveillance électronique, etc., etc., des pressions policières, des diminutions des garanties, modification de la justice des mineurs en particulier, etc., etc. Il me semble que nous avons déjà vu à l'œuvre. Une intervention solennelle du président de la République depuis l'Élysée pour annoncer quoi ? Au soir d'une grève dans la fonction publique, pour annoncer l'instauration prochaine d'un service minimum d'accueil dans les écoles. J'ai demandé au gouvernement de déposer avant l'été un projet de loi qui instituera un droit à l'accueil des enfants qui sont inscrits dans nos écoles. Le projet que je demande au gouvernement prévoira qu'en cas de grève, les professeurs grévistes se feront connaître 48 heures à l'avance. Le projet prévoira également que les communes devront proposer des solutions d'accueil, mais dont je précise que la charge financière sera assurée par l'État. Je respecte le droit de grève. Mais je sais aussi, lorsque les deux parents travaillent et que l'accueil de leurs enfants à l'école n'est pas assuré, la grève pose des difficultés insurmontables à beaucoup de familles, en particulier aux familles les plus modestes. Intervention donc de Nicolas Sarkozy à 18h15 depuis l'Elysée. Thomas Legrand, vous y étiez. Racontez-nous juste en deux mots le off. Comment ça s'est passé? Je racontais tout le off, mais juste après, donc, le président est venu vers nous. Visiblement très content de son coup. C'est vrai que c'est une annonce un peu surprise et un peu spectaculaire. Et finalement, il a réussi un coup politique du point de vue tactique, puisque il sait que les Français sont plutôt généralement pour les grèves de profs, ils comprennent les professeurs, mais ils sont pas contents non plus des désagréments, et ils sont aussi pour le service minimum. Il a vu les sondages, et demain matin, finalement, les titres, c'était quoi? Ça aurait dû être grève plutôt réussie. Ben non, les titres, ça sera service minimum décidé par Nicolas Sarkozy. Donc on a retrouvé le Nicolas Sarkozy qui imprime le rythme de la vie politique, qui choisit les titres. On peut dire, je l'ai senti comme ça, il était très content de lui, un peu goguenard, je les ai bien eus. On peut dire que c'est le Nicolas Sarkozy du début du quinquennat, celui qui s'occupait de tout et qui était sur tous les points chauds. C'est-à-dire que le Nicolas Sarkozy, dont on nous disait que les conseillers avaient réussi à convaincre de se calmer un peu, de faire plus président, il a tenu un mois, il a vu que ça marchait pas, il revient au vrai Nicolas Sarkozy, celui qui a du pif politique. Thomas Legrand, chef du service politique d'RTL, merci. Le Sarkozy à l'ancienne revient. Vous êtes d'accord avec ça, Daniel Thomayner? Oui, c'est malin. Maintenant, c'est de la tactique et c'est vraiment une politique à court terme parce que, bon, comme on en discutait tout à l'heure, si jamais les fonctionnaires territoriaux sont en grève ce même jour, comment on fait? On va pas... Qui on va réquisitionner? Bon. Mais c'est vrai que c'est malin. Le service minimum fonctionne dans beaucoup d'autres pays en Europe, notamment pour les enfants de moins de 10 ans qui doivent être gardés. Et donc, c'est assez malin. Voilà, c'est vrai que ça casse un peu... Ça fait oublier ce grand rassemblement des profs aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres façons de convaincre l'opinion publique de la réforme qui est en train de se passer à l'éducation nationale, au-delà des suppressions de postes. Ted Sanger. Et notamment, Guylaine a utilisé le mot à court terme. Moi, je trouve qu'on fait beaucoup de court terme, Sarkozy également. Et qu'à un moment donné, il faudrait tout de même éduquer les Français, et y compris ceux qui font grève. Parce que ceux qui font grève et ceux qui ne le font pas ne comprennent pas les dangers à l'État, ce qui est l'endettement de l'État. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'on ne leur a pas expliqué, à mon avis. Moi, j'ai parlé avec des amis français qui pensent tout simplement qu'on peut continuer à emprunter de l'argent. Et quand je leur dis que vous n'avez pas le même droit, la même capacité, la même facilité à emprunter de l'argent à très long terme que les Américains, parce que vous avez déjà une fiscalité très avancée, vous n'avez pas le contrôle de votre devise comme ont les Américains, si on peut parler de contrôle de dollars, eh bien tout ça, ça passe par la tête. Les gens... Il y a même des Français qui croient qu'il y a un tas d'or dans les coffres. Oui, et que, parce que quand on dit faire un effort, les moyens et tout ça, en enveloppe, on pense que les ministres créent de l'argent, tout simplement, que ça ne vient pas nulle part. Moi, j'aurais voulu que Nicolas Sarkozy essaie de dire aux Français, à chaque fois que vous revendiquez quelque chose, dites-nous d'où on doit prendre l'argent. Parce qu'on ne peut pas continuer avec les investisseurs chinois, saoudiens et américains même, qui sont là pour soutenir en quelque sorte l'État-providence des Français. Ça c'est l'endettement de la France, et on le sait, c'est votre dada, Ted Stanger. Mais bien à part sûr. Ça, l'actualité, la toute chaude, c'est le service minimum d'accueil à l'école. Rodolphe Bosselu, en tant que parent d'élève, vous êtes pour ou contre le service obligatoire d'accueil dans les écoles? Je suis plutôt pour. Ce que je voudrais dire, c'est que, de ce point de vue-là, je rejoins Ted. C'est vrai qu'on pourrait faire un peu plus, peut-être, de pédagogie. Le jour d'une grève de l'éducation nationale, ce serait peut-être d'ailleurs le meilleur service à rendre à tout le monde. Mais déjà, sur le fond de la grève elle-même, moi j'ai l'impression que cette grève, elle est en décalage avec, effectivement, les réalités que rappelait Ted. Quand on entend qu'il faut plus de moyens, qu'il y a un démantèlement du service public, on se pince. On se pince parce qu'il suffit simplement de prendre les études qui sont les études de l'OCDE. La dernière est de 2006. La France est l'un des pays qui consacre le plus de son produit intérieur brut à l'éducation. Les élèves français sont ceux qui représentent par tête la dépense quasiment la plus importante au sein de tous les pays de l'OCDE, plus 30 autres pays. Et donc, quand on nous dit aujourd'hui plus de moyens, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être aussi une intervention à refaire sur ce point pour expliquer que la réforme du gouvernement est une réforme qui vise à rationaliser les dépenses, à mieux les affecter et à rendre en définitive le système plus efficace. Ce qui évidemment n'est pas de l'ordre de l'idéologie. Maintenant sur le service minimum d'accueil. Là aussi c'est marrant parce qu'on a une conception de la grève qui est curieuse. On a l'impression que la grève n'est, selon ceux qui s'y opposent, n'est valable ou n'est intéressante que si elle a un pouvoir de nuisance. Or, moi, je rappelle simplement que s'agissant d'une grève dans le secteur public, la jurisprudence du Conseil d'État a toujours dit que cette grève, qui était évidemment légitime, devait quand même être balancée avec la notion de continuité du service public. Or, le qui s'y oppose n'est valable ou n'est intéressante que si elle a un pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance, pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Un pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Pouvoir de nuisance. Or, n'est valable ou n'est intéressante que si elle a un pouvoir de nuisance. De nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Pendant 30 ans, il a été l'homme de l'ombre, le bras droit, le porte-flingue de Nicolas Sarkozy dans sa course effrénée vers l'Elysée, avant d'être marginalisé par le retour de Cécilia. Je l'ai trop gavé, disait de lui Nicolas Sarkozy quelques jours avant la présidentielle. Il n'obtient pas le ministère dont il rêvait, l'intérieur. Le nouveau chef de l'État lui offre un cadeau empoisonné, le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, une de ses promesses de campagne qui lui avait permis de siphonner l'électorat lepéniste. Tâche ingrate médiatiquement et ardue politiquement, dont s'acquitte Brice Hortefeux avec doigté. Il tente de gommer peu à peu l'image sulfureuse de son ministère pour apparaître comme le ministre des immigrés légaux. Alors bien sûr, certains de ses collègues se plaignent parfois de son goût du rapport de force viril et des ravages de son humour caustique. Nadine Morano a dû le prendre entre quatre yeux pour lui interdire de l'appeler « Madame sans gêne » et surnomme parfois le ministre du Travail « le gros Bertrand ». Mais Xavier Bertrand, le chouchou d'Élysée, vient de faire la paix avec le sorte de feu qui est désormais de retour dans la sphère intime. tout premier cercle politique du chef de l'État, un des sept mercenaires, des sept samouraïs du gouvernement, qui réunit Nicolas Sarkozy chaque semaine à l'Élysée. Son nom figure même parmi les possibles remplaçants de François Fillon. C'est sur RTL en juin dernier que le président Sarkozy avait annoncé le lancement des états généraux de la presse. Ils se sont ouverts ce matin à l'Élysée. Il s'agit de redonner du tonus à la presse écrite qui traverse une crise bien spécifique à la France. Laurent Marsic, vous êtes à l'Élysée pour RTL. Oui, avec un discours assez volontariste sur le thème d'unissez-vous, vous disparaîtrez. En 35 minutes, le président de la République a listé l'ensemble des problèmes qui font qu'aujourd'hui la presse française est la moins rentable d'Europe. La distribution, l'impression, les droits et devoirs des journalistes, le rôle d'Internet, tout doit être remis à plat, Nicolas Sarkozy insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas de rédiger un énième rapport. Vos difficultés ne trouveront aucune solution si vous restez divisés, comme si souvent par le passé. Au lieu de vous unir, pour créer les conditions du changement, je pourrais prendre les exemples de division, notamment sur la diffusion. Pour moi, les états généraux, il ne s'agit pas seulement de faire remonter des doléances. Le but des états généraux, c'est pas de rédiger un énième rapport sur le sujet, même si de très bons ont déjà été écrits par le passé. Les doléances et les rapports, honnêtement, c'est pas comme ces états généraux. Il s'agit de se mettre d'accord sur un certain nombre de changements à mettre en œuvre tout de suite. Faire tomber les tabous comme celui de l'impression avec ses multiples résistances, voilà par exemple le genre de sujet dont les patrons de presse veulent parler avec l'appui de l'État. Francis Morel est président du syndicat de la presse quotidienne nationale et directeur général du groupe Le Figaro. Par exemple, concrètement, les modes de distribution. C'est évident, les modes de distribution, c'est quelque chose sur lequel on ne parle pas. Alors je ne sais pas sur quoi on débouchera, mais je pense qu'il est bien de dire aujourd'hui, mettons tout à plat. Les modes de fabrication, même chose. Sur ce genre de sujet, c'est bien de dire un jour, renversons la table, voyons comment on doit reconstruire quelque chose d'autre. Quatre groupes de travail présidés par des personnalités du monde de la presse, Arnaud Puyfontaine, ex-PDG de Mondadori France, Bruno Frappa de Bayard Presse, François Dufour du groupe Playback Presse ou encore Bruno Patineau, ancien vice-président du Monde, vont travailler. Puis dans deux mois, bilan de ces états généraux auxquels le président souhaite que le public soit associé. Un site internet a également été créé pour... Personne ne comprendrait que la France, qui est le pays le mieux placé pour favoriser le développement du véhicule électrique, car elle dispose d'une électricité sans CO2 à un coût garanti sur le long terme, sans aucune... ou quasiment aucune dépendance extérieure, aucun pays autre que le nôtre n'a autant de raisons de favoriser le développement de cette filière. Nous n'allons donc pas nous priver de le faire. Ce plan que je vous annonce comporte un important volet de soutien à la recherche et au développement aux véhicules décarbonés. Pour les rendre disponibles avec toutes les garanties de coût, de performance et de sécurité, il faut... Alors au total, nous allons mobiliser au cours des 4 prochaines années exclusivement pour la recherche et développement sur les véhicules décarbonés. Ces crédits sont d'ores et déjà disponibles sur le 1 milliard d'euros supplémentaire alloué à la recherche par le Grenelle de l'environnement et dans les pôles de compétitivité et sur le fonds démonstrateur de l'ADEME qui vient justement de lancer son premier appel à projet. Sur le sujet spécifique des batteries qui écriront demain tous les véhicules décarbonés, je demande à Jean-Louis Borloo et à Luc Chatel de se saisir de ce sujet industriel absolument stratégique, afin de coordonner au mieux les efforts publics et privés, notamment dans les pôles de compétitivité concernés par cette technologie. Je rappelle qu'on a remis 1,5 milliard d'euros sur les pôles de compétitivité pour favoriser la recherche et le développement. Le plan véhicules décarbonés que je vous propose aujourd'hui comportera aussi un volet important de soutien à la demande pour de tels véhicules. Soyons pragmatiques pour une fois. Pour que le prix des véhicules soit abordable, il faut qu'il soit produit en série. C'est absolument incontournable. Pour que les investissements dans une production en série soient réalisés, il faut l'assurance qu'une demande solvable existe. Je crois qu'il est temps de sortir de ce dilemme. Le bonus écologique de 5 000 euros d'ores et déjà disponible pour tout véhicule émettant moins de 60 grammes de CO2 km sera d'une part étendu aux véhicules utilitaires légers et d'autre part maintenu dans ces termes d'ici à 2012. Il s'agit de donner de la visibilité aux acheteurs, comme aux constructeurs. Et ce dispositif n'a vocation à être réexaminé éventuellement que lorsque le seuil de 100 000 véhicules décarbonés aura été atteint. Comprenez-moi, hein, là, c'est assez logique. Jusqu'à présent, les consommateurs disent « j'achète pas, c'est trop cher ». Et les fabricants disent « je fabrique pas, il n'y a pas assez de demande ». Voilà. On se regarde tous en chaîne faillant. Donc, il faut solvabiliser une demande. On va donc solvabiliser massivement la demande par le bonus qu'on garde, qu'on étend. Mais naturellement, je le dis, nous n'avons pas vocation à subventionner l'achat de véhicules à vie. C'est pas la vocation de l'État. Et donc, je retombe sur mes pieds en quelque sorte, au moins au niveau de la cohérence. Lorsque la demande solvabilisée sera suffisamment grande, moi j'ai fixé l'objectif à 100 000 véhicules carbonés. Bon, on peut discuter, on peut négocier, on peut débattre. Jean-Louis Borloo, Luc Châtel conduiront cela. Est-ce que c'est 100 000, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, peu importe. Mais à ce moment-là, j'estime qu'on rentre dans une production en série et qu'on doit laisser le marché remplir sa fonction d'adéquation entre l'offre et la demande. J'estime qu'à ce moment-là, on aura vraiment pu baisser le coût d'une production en série. Et je pense qu'en annonçant la date de 2012, on donne aux constructeurs suffisamment de lisibilité pour vous, pour investir. Là, je vois que le Trésor américain s'apprête à accorder 25 milliards de dollars de prêts à long terme, à des taux imbattables, à ces trois constructeurs automobiles, pour qu'ils rénovent leurs usines de plus de 20 ans. Alors le vrai doute qui m'étreint, on arrive de douter, un vrai doute, c'est ne sommes-nous pas, nous, Européens, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop naïfs? Quand je dis que je doute, et moi je crois qu'on est trop naïf. Et je crois surtout que ça a trop duré. Cela veut dire que ça a assez duré. Je suis pour l'amitié avec les États-Unis, je n'ai pas besoin de le démontrer. Nos partenaires et nos amis soutiennent à bout de bras leurs constructeurs. C'est leur droit le plus strict. Mais alors moi je ne veux pas que nous vivions dans un cadre où nous n'aurions pas le droit d'aider de la même manière nos constructeurs à s'engager sur la voie des mutations technologiques majeures, décisives pour la protection de l'environnement et capitales pour la sécurité énergétique de notre pays. J'entends donc proposer à la Commission européenne et à nos partenaires européens de réviser le cadre communautaire des aides d'État. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour mettre ce cadre communautaire des aides d'État en accord avec les buts mêmes que nous poursuivons dans le cadre du paquet climat-énergie. Il y a une question de cohérence manifeste. On ne peut pas dire à nos constructeurs, voilà les objectifs de protection de l'environnement qui sont les nôtres, et en même temps, on ne vous aide pas à tenir. Et non seulement on ne vous aide pas parce qu'on sait que les règles de concurrence, donc on n'a pas compris que la concurrence était un moyen, pas une fin, ce que je ne cesse d'expliquer depuis des années, mais en plus, on est gravement à votre compétitivité en voyant les autres faire ce qu'on s'interdit nous-mêmes de faire. Ça n'a aucune cohérence. Mais je n'oserais personne d'ailleurs dire que je ne suis pas pour l'Europe. L'Europe, elle est faite à mesure pour protéger, pour inciter, pour encourager, et non pas pour être cette espèce d'organisation informelle où on ne peut rien dire et rien faire. À la suite d'ailleurs d'une absence de pensée manifeste. Alors je vote à la suite d'ailleurs d'une absence de pensée manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Monsieur le ministre d'État, cher Jean-Louis. Monsieur le ministre, cher Jean-Louis. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, si vous me permettez, chers amis, après la visite que je viens de faire, je voudrais partager avec vous, très profond, l'histoire d'amour pour les Français et l'automobile n'est pas prête de se terminer. La passion de l'automobile est bien vivante dans notre pays. Ce n'est pas un hasard si le Mondial de l'automobile est le plus grand salon du monde pour ce secteur, devant Tokyo, devant Détroit, loin devant Francfort. Je ne le dirai pas samedi, mais enfin. Et ce n'est pas un hasard si cette année, l'affluence est plus grande encore. Ce n'est pas un hasard si le salon de l'automobile fête en 2008 son 100e anniversaire, ici, dans notre pays, qui est aussi le berceau de l'industrie automobile et qui doit le demeurer. Du reste, nous avons quelques raisons, nous Français, de tenir à notre industrie automobile, qui emploie près de 2 500 000 personnes dans l'ensemble de la filière. C'est pas rien, c'est 10% de la population active. Au-delà des grands constructeurs bien connus, existe un nombre considérable d'équipementiers, de sous-traitants, qui sont au cœur de la compétitivité d'innovation dans ce secteur, qui reste d'ailleurs le premier secteur industriel en termes de dépenses de recherche et de développement. Avec l'automobile, nous sommes au cœur de l'économie réelle, dont nous avons tant besoin, c'est-à-dire une économie qui produit, qui investit, qui innove pour répondre aux besoins des femmes et des hommes. Mais l'industrie automobile est aujourd'hui, j'en suis convaincu, un tournant de son histoire. Et quelle chance, vous les responsables, d'être placés à un moment où il y a tant de choses à changer. Je me sens très solidaire de vous. Trois enjeux. Un enjeu énergétique, bien sûr, la récente hausse des prix du baril de pétrole, même si depuis les cours ont baissé de nouveau, ils ont baissé, mais ils sont encore le double de ce qu'ils étaient en 2004. Nous dépendons du pétrole pour la quasi-totalité de nos transports routiers. Or, ce monde, le nôtre, est sur le point d'attendre, avant 2020, en tout état de cause, le plafond de sa capacité de production d'hydrocarbures. En somme, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM, canalsud.net. Nous écoutons actuellement le monsieur le président de la République qui parle. Alors nous pouvons craindre que le choc récent qu'a connu notre économie sur le prix du brut ne soit que le début d'un autre processus. Je rappelle qu'avant la crise financière que nous connaissons, on a affronté une crise sans précédent de matières premières. On aimerait de ne pas le dire. Ma responsabilité n'est pas d'attendre, d'espérer et de faire confiance. Ma responsabilité, c'est de préparer l'après-pétrole dès le premier. Le 21e siècle sera le siècle de la fin du pétrole. On verra donc la fin de la voiture telle que nous la connaissons. Le 21e siècle, fin du pétrole, donc la fin de la voiture telle que nous la connaissons. La sécurité de nos approvisionnements énergétiques exige, dans les transports comme dans le logement, que nous organisions dès à présent la transition énergétique. Il est crucial de réduire notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, en réalisant des économies d'énergie, bien entendu, mais en développant toutes les formes d'énergie renouvelables et durables. Le deuxième enjeu pour l'industrie automobile, non moins important, c'est l'enjeu environnemental. Le secteur des transports représente à lui seul le quart des émissions mondiales de CO2. L'automobile ne peut pas rester à l'écart de l'enjeu écologique majeur que représente la lutte contre le changement climatique. Partout où cela est possible, tout doit être mis en œuvre pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Le fait qu'il soit possible de réduire nos émissions de CO2 plus facilement et à moindre coût dans d'autres domaines comme le bâtiment ne peut servir de prétexte à ce qu'il serait dans les transports. Je ne laisserai personne caricaturer l'automobile comme le symbole d'une société d'épuisement des ressources et de destruction de l'environnement. L'automobile a trop souvent servi de cible facile au tenant de la décroissance. Les transports individuels rapides sont un acquis extraordinaire du XXe siècle pour la qualité de la vie, pour l'ouverture du monde. Y renoncer au nom de l'écologie serait un contresens majeur, alors que la technologie nous permet aujourd'hui de concilier déplacement individuel et respect de la planète. Le développement durable, ce n'est pas d'abolir la liberté, ce n'est pas le retour en arrière, ce n'est pas de renoncer à la mobilité que permet la voiture, c'est inventer des modes de déplacement confortables, sûrs économe et le plus respectueux de l'environnement. Si je ne comprends pas, je fais des bouquins, je ne comprends rien. En disant moi-même, heureusement qu'ils sont pas plus nombreux, parce que franchement, avec des idées pareilles, c'est une affaire sérieuse, l'environnement. Je demande que des gens sérieux se mettent ensemble pour chercher, pour innover et pour concilier la liberté, la mobilité et le respect de la planète. Le troisième enjeu que vous avez affronté, c'est l'enjeu industriel. L'industrie automobile est présente à la fois sur chacun de nos territoires et partout dans le monde. Elle constitue une composante absolument fondamentale de l'outil industriel français. Je n'accepte pas l'idée que la France, qui a produit jusqu'à 3,2 millions de voitures en 2004, n'en fasse plus que 2,5 millions en 2007. Je n'accepte pas l'idée qu'un pays qui a notre industrie automobile soit devenu importateur net dans le secteur automobile. Il y a urgence à agir. Je veux affirmer que l'industrie automobile, aujourd'hui comme demain, a toute sa place en France. Je l'ai dit lundi dernier avec Carlos Ghosn, que je remercie, au salarié de Renault, à son avis. L'automobile en France, ce n'est pas fini. Je m'inscris en faux contre tous ceux qui voudraient cantonner notre pays dans les activités de service. La finance et le tourisme. Je me souviens de ceux qui parlaient de l'économie virtuelle, c'est qu'on n'avait pas de clients, pas de produits. Le seul truc, c'était de lever des fonds. Des envies non avouables contre ce qu'on a en France, tous ces gens qui donnaient des leçons. La vieille économie, c'était l'industrie, un produit, un client. Bien sûr qu'il faut des services. Mais enfin, si l'industrie s'en va, les services partiront aussi. D'autant plus qu'ils sont encore plus facilement délocalisables. C'est une absurdité. La France a besoin d'industrie, c'est une conviction. Jean-Louis, ça parfaitement, c'est une conviction. Fermez votre gueule au fond, on essaie d'écouter le président qui parle. Bien long. Fermez votre gueule. La responsabilité des pouvoirs publics, c'est d'accompagner les mutations technologiques et industrielles pour garantir la pérennité des sites, des activités et des emplois. Alors ces défis fondamentaux, très difficiles pour vous, je vous propose que nous les relevions ensemble en nous donnant les moyens de les relever. Nous allons d'abord accompagner la demande de nos concitoyens vers des véhicules plus sobres et moins émetteurs de CO2. Nous maintiendrons donc le bonus-malus institué à la fin de l'année dernière sur les voitures particulières vendues dans notre pays. Il a fait preuve, cher Jean-Louis Borloo, de son indéniable efficacité, puisque les ventes de véhicules bénéficiant d'un bonus, c'est-à-dire les plus sobres et les moins émetteurs de CO2, ont progressé de 50% sur les 6 premiers mois de 2008. Ce maintien du bonus-malus se fera sur l'ensemble de l'année 2009 avec les mêmes seuils et les mêmes montants. Au-delà de son succès pour inciter les Français à s'équiper en véhicules plus propres, un tel soutien pour le marché automobile me semble bienvenue dans la période que nous traversons. J'ajoute que ce mécanisme du bonus-malus sera étendu à d'autres biens d'équipement progressivement et dans la concertation. Moi, je crois au bonus-malus. Voilà. Je crois à la nécessité pour les pouvoirs publics d'inciter à acheter des véhicules propres, créer un marché et un cercle vertueux, parce que plus on aura de gens qui achètent des véhicules propres, moins ces véhicules propres trop cher à fabriquer. Ça s'appelle la solvabilité d'un marché. Ça n'a rien de très intelligent ce que je dis, mais je crois plus malus. Voilà. Message entendu une bonne fois pour toutes. Jean-Louis Borloo pourrait d'ailleurs témoigner de la constance du soutien à son idée que j'ai manifesté depuis le début. Et d'ailleurs, on n'aurait pas eu bonus malus, le dernier indice de production industrielle, il ne serait pas au niveau où l'a été. Bonus malus, ça a été d'ailleurs un bonus. Puisqu'en solde, je crois que l'État a mis 250 millions d'euros dans... Eh bien, c'est très bien, vous en avez besoin, il faut vous aider. Alors, l'État se doit aussi lui-même d'être exemplaire en matière de développement durable. Il va donc prendre sa part en limitant strictement, par un décret, le plafond d'émission des véhicules achetés par l'État à 130 grammes au kilomètre parcouru, soit le seuil maximal des véhicules bénéficiant du bonus à compter 1er janvier prochain. Moi, je ne suis pas celui qui va dire aux autres « Faites ce que nous ne faisons pas ». C'est clair. L'État demande, l'État s'applique. Et ses établissements publics s'engagent dans un effort particulier de renouvellement de leur parc. Trop de véhicules, trop puissants, trop consommateurs en carburant, trop polluants. Je souhaite une très sérieuse réorganisation. J'entends aussi dépenser de l'argent pour investir. Et au fond, ça fera des économies à l'arrivée et ça tiendra le marché qui en a d'ailleurs bien besoin. Au niveau européen, la France, exerçant la présidence de l'Union européenne, entend contribuer à la poursuite des efforts engagés pour concevoir des véhicules, là encore, plus sobres et rejetant le moins possible de CO2. C'est très précisément l'objet du projet de règlement européen sur les émissions de CO2 des véhicules qui est actuellement en cours de négociation. La France continuera d'y défendre un accord ambitieux sur le plan environnemental, c'est-à-dire un accord qui permette de réduire nettement, dès 2012, les émissions de CO2 par rapport à aujourd'hui et qui débouchera après 2020 sur une nouvelle réduction importante des seuils d'émission. Mais pour cette ambition pleine porte, je veux rappeler qu'un accord doit se faire avec tous nos partenaires. Nous ne sommes pas seuls. En tout état de cause, c'est l'absence totale d'accord. Nous allons commencer à remplacer des pompes de super l'objectif d'incorporation de biocarburants par les pétroliers est confirmé à hauteur de 7% du 2010, soit au-delà de la. Dans la même perspective, je souhaite que les véhicules flex fonctionnent en 5 puissent être utilisés rapidement. Enfin, l'État va continuer de s'engager pour des projets pilotes de production de carburant, mais pour la deuxième génération de ces projets ont vocation à devenir une référence en Europe, en matière de chimie verte. C'est pas la peine de passer à la génération. Deuxième génération est beaucoup plus prometteuse. Enfin, comme au temps des pionniers français de l'automobile, je souhaite que la France redevienne le lieu où s'imagine et se prépare les ruptures technologiques de demain, le lieu où s'invente le véhicule du futur, celui qui permettra au monde de réconcilier mobilité, croissance et respect de l'environnement. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui à Annecy pour présenter des mesures de soutien aux entreprises. Il a choisi une PME de cette région où vous êtes pour RTL, Eric Vanier. Oui, d'abord une courte visite dans les ateliers au milieu des engins de chantier. Fabriqué par ce groupe franco-allemand de 400 salariés, Mekalak Allman. Puis très rapidement, le président de la République s'est rendu dans un hangar, un peu à l'écart, aménagé en salle de réunion, où l'attendaient des chefs d'entreprise venus de toute la région d'Annecy, témoigner de leurs difficultés. Parmi eux, le patron de Vaux Industrie, Lionel Vaux, une centaine de salariés dans le secteur de la mécanique, et des perspectives pas très encourageantes. Les difficultés déjà viennent de part de nos clients à avoir des prévisions sur nos commandes. Nous avons bien sûr des difficultés liées au financement et notamment au besoin de trésorerie. Et pour résoudre ces problèmes de trésorerie, donner un bol d'air aux entreprises, Nicolas Sarkozy a répondu du tac au tac en annonçant une mesure à effet immédiat. D'ores et déjà, je vous annonce une mesure extrêmement importante que nous avons décidée avec les citoyens. À partir d'aujourd'hui, tout investissement nouveau réalisés par les entreprises en France seront exonérés à 100% de taxes professionnelles jusqu'au 1er janvier 2010. Je crois que dans la crise, il faut qu'on soutienne notre économie et notre façon de la soutenir et de la relancer, c'est par l'investissement. C'est bien sûr. extrêmement puissant, d'application immédiate, pas de longtemps. Autre annonce du président de la République, ici en Savoie, la création avant la fin de l'année d'un fonds stratégique d'investissement qui pourra dépanner à propre PME qui ont besoin d'argent frais pour traverser la crise. La nomination d'un médiateur, des chefs d'entreprise qui s'estiment lésés par leur banque, vont s'adresser à ce médiateur qui sera chargé de m'aider à ce que les mesures d'assouplissement du crédit des 22 milliards d'euros par l'État Pour Michel Alliomari et Rachida Dati, le désaveu est cinglant. Tout au long de la journée, hier, les deux ministres ont affiché leur fermeté, sans vaciller, à l'image de la garde des Sceaux devant les sénateurs. La personne n'a pas déféré à plusieurs convocations. Il y a la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer ce mandat d'amener. Donc cet acte a été délivré en toute indépendance par le juge d'instruction. Sauf que les deux ministres n'ont pas le moindre mot d'apaisement et déjà la polémique gagne l'Assemblée nationale. Alors lorsque la réponse de Nicolas Sarkozy tombe en fin de journée, le tacle est sévère. Sur la forme, d'abord, dès le début de son communiqué, le président de la République affirme comprendre l'émoi suscité par cette affaire. Voilà pour apaiser les tensions. Sur le fond, le chef de l'État réclame une procédure pénale modernisée et plus respectueuse de la dignité des personnes. Comme souvent, Nicolas Sarkozy reprend la main et il est plutôt coutumier du fait avec ses ministres. Le fichier Edwige pour Michel Alliomari, les rapports tendus avec les magistrats pour Rachida Dati. Déjà à plusieurs reprises, le président a dû recadrer les deux femmes. Pas de quoi faire grimper leur cote à l'approche d'un remède. La crise va donc changer ce que l'on imaginait être les équilibres du monde. La crise va changer les comportements. La crise doit changer les idées, la crise doit faire évaluer les valeurs. Alors cette crise, mes chers compatriotes, nous ne devons pas la subir. Cette crise, nous devons l'affronter bien en face sans mentir. Cette crise, elle ne doit pas nous inciter à attendre, elle doit nous inciter à agir vite, à agir fort. Et notre réponse doit être à la hauteur. Parce que la crise est forte, la réponse doit être forte. Parce que la crise va tout changer, notre réponse doit préparer le changement, doit préparer l'avenir. Nous ne devons pas nous contenter d'essayer de passer, tant bien que mal, une période difficile. Nous ne devons pas nous contenter de limiter les dégâts, nous devons être ambitieux, être audacieux, être imaginatifs. Alors notre réponse à la crise, et c'est un choix qu'avec le Premier ministre, le gouvernement et la majorité, c'est un choix que nous faisons, notre réponse à la crise, c'est l'investissement. Parce que c'est la meilleure manière de soutenir l'activité, sauver les emplois d'aujourd'hui. Parce que c'est la seule manière de préparer les emplois de demain et parce que nous avons des retards d'investissement considérables et cela fait décennies que lorsque la France a arbitré entre dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, la France sacrifie depuis trop longtemps l'investissement et le fonctionnement. Nous vous proposons le choix strictement inverse. La réponse à la crise, c'est un effort d'investissement massif. Collectivités locales. L'État souhaite passer un contrat avec les collectivités locales. Le remboursement de la dette de l'État sur le TVA, le FCTV. Nous sommes prêts à rembourser en une année, deux années de TVA, à anticiper d'une année le remboursement du fonds commun de TVA en contrepartie d'une augmentation de l'investissement des collectivités locales. Vous savez que les collectivités locales financent, payent la TVA et que l'État rembourse aux collectivités locales la TVA avec un an de décalage. Eh bien, nous proposons de verser aux collectivités locales en une année, deux années de TVA à une condition, c'est que chaque centime d'euro remboursé par avance aux collectivités territoriales soit un centime d'euro pour relancer l'investissement, les infrastructures, l'université, la recherche, les équipements dont notre pays a besoin. 4 milliards d'euros d'investissement décidés pour l'État, 4 milliards d'euros d'investissement décidés pour les entreprises publiques et Transformer pour longtemps l'économie, la société, la politique. Le monde qui sortira demain de cette crise sera profondément différent de celui d'hier. La demande de régulation, la demande de protection, la demande de justice sera plus forte. Un nouvel équilibre s'établira entre l'État et le marché, entre la logique financière et la logique de production, la logique industrielle, entre le capital et le travail, entre le court terme et le long terme. Les matières premières, quelle que soit l'évolution, baril de pétrole depuis quelques semaines, les matières premières seront plus chères pour une raison simple, c'est qu'elles seront plus rares. Les grands pays émergents n'accepteront plus, et ils auront raison, d'être exclus de la gouvernance mondiale. Et les plus pauvres réclameront, et ils auront raison, avec plus de force, le partage des gains de la croissance. La crise va donc changer ce que l'on imaginait être les équilibres du monde. La crise va changer les comportements. La crise doit changer les idées, la crise doit faire évaluer les valeurs. Alors sans crise, mes chers compagnons,

nous ne le ferons jamais. Nous ne le ferons jamais. Nous ne le ferons jamais. Nous ne le ferons jamais. Nous ne le ferons jamais. Nous ne le ferons jamais. Nous ne le ferons jamais. Nous ne le ferons jamais. Nous ne le ferons. Bonjour Christophe Gourou. Bonjour. On sait maintenant précisément comment ça va fonctionner. Oui, alors cette prime, vous la toucherez si vous décidez de vous débarrasser de votre auto, que ce soit une citadine ou un gros 4x4, pourquoi pas. Mais pas seulement les véhicules utilitaires. Légers sont également concernés et cela touche les stars du marché, à savoir la Renault Kangoo et la Peugeot Partner. Ce coup de pouce gouvernemental de 1000 euros, vous le percevrez à condition bien sûr d'acheter un modèle neuf. Qui... Certes, il y avait encore hier dans la bouche du président Sarkozy un brin de fermeté face à Pékin. Je suis libre, en tant que président de la République française, de mon agenda. Je porte des valeurs, des convictions. Mais ce fut la seule phrase. Tout le reste, les gestes, les mots de Nicolas Sarkozy étaient destinés à banaliser sa première rencontre avec le Dalai Lama. D'abord, elle a eu lieu ici à Gdansk, à 1600 km de l'Elysée, en marge d'autres rendez-vous. Bon, le président français a dû poser avec autour du cou l'écharpe blanche tibétaine, mais le tête-à-tête n'a pas dépassé la demi-heure annoncée. En plus, le Dalai Lama, si virulent contre Pékin à Bruxelles cette semaine encore, était hier particulièrement zen, presque inoffensif. Enfin, d'après Nicolas Sarkozy. Le Dalai Lama m'a d'ailleurs indiqué combien il avait soutenu mon voyage à Pékin pour les Jeux Olympiques. Le Dalai Lama m'a confirmé ce que je savais d'ailleurs. Il ne demandait pas l'indépendance du Tibet et je lui ai dit combien j'attachais de l'importance à la poursuite du dialogue entre le Dalai Lama et les autorités chinoises. Cette rencontre a eu lieu, insiste le président français. Autrement dit, ça c'est fait, on peut passer à autre chose. Le pari de l'Elysée, qui n'est pas encore gagné, c'est que la Chine, en se fâchant contre la France, a simplement voulu marquer le coup pour que les rencontres des Occidentaux avec le Dalai Lama ne deviennent pas une habitude. Je connais déjà le lieu et la date de la réconciliation avec Pékin, tente encore de rassurer un diplomate français. D'abord, il faut que la France agisse sérieusement. Et Nicolas Sarkozy n'est pas pris au sérieux pour des tas de raisons que l'on voit bien. Mesdames et messieurs les ministres, société française, également des circonstances de l'effort. Vous voyez que j'ai appris que c'est métissé. Où l'on habite, du notre. La France a toujours dit sage, bien pour dire les choses. En recourant à des critères ethniques ou religieux, conduirait à pieux, conduirait à prendre pause. On reste ferme sur les principes. Les résultats, on doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit le changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit le changer. On doit... Désiré Baptiste, il a sauté de joie. Il est très heureux et il sait que dans quelques jours, il va être libre. Mais il va être libre au Brésil. Et son souhait le plus cher, c'est un jour de revenir en France. Alors, il y a eu ce voyage du président de la République française et de son épouse au Brésil. Est-ce que Nicolas Sarkozy est intervenu dans ce dossier? Nicolas Sarkozy a reçu, probablement sur les conseils de son épouse, très longuement, Fred Vargas. Nicolas Sarkozy est intervenu dans ce dossier. Nicolas Sarkozy a reçu, probablement sur les conseils de son épouse, très longuement, Fred Vargas. Bernard Cassène, après Serge, lui. Nous avons assez souvent souligné dans le monde diplomatique à quel point les questions européennes étaient surdéterminées, les questions nationales. Les actions que pouvaient entreprendre les gouvernements s'inscrivaient dans le cadre de politique européenne ou dans les interstices qu'elles laissaient. Et Nicolas Sarkozy, hier, a déclaré « la France est de retour en Europe ». Ce qui n'est d'ailleurs pas très aimable pour le président de la République jusqu'au 16 mai, qui était quand même encore présent en Europe. Mais Sarkozy répond clairement à un certain nombre de questions. Tout d'abord, il répond à une question qui est d'ailleurs posée par un de nos collaborateurs de ce mois-ci, Michel Fouché, qui était un spécialiste de géopolitique, ancien ambassadeur dans un pays balte, qui pose la question des frontières de l'Europe. L'une des causes du non, dit-il, et c'est sans doute vrai, est l'indéfinition du territoire européen. On sait où ça commence, mais on ne sait absolument pas où ça finit, ce qui crée un sentiment d'anxiété, d'incertitude, etc. Et la question turque est évidemment capitale. Et Sarkozy a dit non, la Turquie n'adhérera pas à l'Union européenne, ce qui va déjà provoquer un énorme blocage au niveau des discussions. Et il a sorti son accord pour un traité allégé ou un mini-traité de la Banque Centrale Européenne, avec la réunion du Conseil européen de... C'est parti qui a repris... argument du non, et c'est parmi les arguments que c'est droit de tout. Mais quoi, ce que c'est dit pour le numéro, je vais un truc qui restera que toi. C'est son troisième grand meeting depuis la crise, après Toulon en septembre et Douai en décembre. Mais au total, en trois mois, le président aura prononcé 32 discours sur la situation économique et sociale. Alors, pourquoi cette nouvelle intervention alors que l'Élysée répète que ce ne sera pas une réponse aux manifestations de jeudi dernier? Que peut encore dire Nicolas Sarkozy alors que ses conseillers indiquent qu'il n'y aura pas d'annonce? Mais surtout, Nicolas Sarkozy est-il encore audible? Peut-être pas, estime Frédéric Dabi de l'Institut IFOP, mais il ne peut pas rester silencieux. Le président doit à sa venue, pour je dirais casser deux critiques. Premièrement, le fait qu'en matière économique et sociale, il mène une politique en faveur des plus riches, et dans nos enquêtes, son refus de toucher au bouclier fiscal est fortement critiqué. Deuxièmement, en parlant, il dessine un cap et peut-être il prépare les Français à l'après-crise qui va sûrement coïncider avec les années 2011-2012, donc le début de la campagne présidentielle. C'est donc pour renouer avec son électorat que Nicolas Sarkozy a décidé de revenir devant les militants parce qu'il sait qu'il doit faire face à deux risques, l'impopularité et l'impuissance politique, autrement dit la chiracisation. Percevoir une grosse rémunération en cas d'échec, ce n'est pas responsable et ce n'est pas honnête. Qu'un dirigeant qui a mis son entreprise en difficulté puisse partir avec un parachute doré en récompense des difficultés, pense des difficultés qu'il a créées, ce n'est pas responsable et pas responsable et pas responsable et ce n'est pas honnête. Yeah. Nicolas Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était... Nicolas Sarkozy... Percevoir une grosse rémunération... Nicolas Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas... et la France, c'est Nicolas... et la France, c'est Nicolas... et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était... Nicolas Sarkozy, c'est la France, et la... Nicolas Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était ça ou... C'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était ça ou... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était ça ou... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était ça ou... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était ça ou... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était ça ou... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était ça ou... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était ça ou... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était ça ou... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était... Nicolas Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. C'était... Sarkozy, c'est la France, et la France, c'est Nicolas Sarkozy. Hier pour l'emploi des jeunes, plus d'un milliard d'euros débloqués. Alors nous sommes en ligne tout de suite avec Henri Proglio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Veolia et vous avez reçu hier Nicolas Sarkozy à Jouy-le-Moutier dans le Val d'Oise. C'est là en effet que se trouve votre campus Veolia où vous formez 900 apprentis par an. Alors c'est beaucoup comme ça. Mmh. Quel est le principe de cette formation? Le principe c'est assez simple, c'est une formation par alternance qui est une formation par apprentissage pour l'essentiel et qui décline les formations du CAP au Bac plus 5. Et donc c'est toute une série de formations diplômantes qui structurent notre démarche. Alors, l'engagement qui avait été pris dès le départ et qui est maintenu depuis maintenant 15 ans, c'est que tous les élèves, alors, à commencer par les apprentis qui intègrent votre entreprise en alternance et par apprentissage, s'ils réussissent leur diplôme, sont tous engagés et embauchés à durée indéterminée. Donc ça veut dire que c'est un vivier qui est pour vous, vous formez vos propres apprentis pour vous en fait? Non, on forme nos propres apprentis et on leur délivre un diplôme reconnu par l'État, c'est-à-dire en fait un passeport pour la vie. Ils ont donc toute liberté de rester ou de partir, mais on s'engage unilatéralement à leur offrir un contrat durée indéterminée. D'accord. Alors, quand Nicolas Sarkozy promet zéro charge pour tout nouvel apprenti recruté, en somme, ça va vous faire une économie pour vous, ça? Pas pour nous, ça fait une économie pour toutes les entreprises qui embauchent des apprentis. C'est une incitation. Mais pour autant, encore une fois, on le fait depuis 15 ans, et j'espère qu'elle donnera aux entreprises l'envie, encore plus qu'avant, d'aller vers l'apprentissage. C'est une aide supplémentaire. Le système d'apprentissage est un système qui préexistait et que le président souhaite renforcer et développer. Quels sont vos besoins de recrutement à vous, à long terme? À long terme, ça va dépendre de la dynamique de croissance et de développement de l'entreprise, bien entendu. On a à peu près 120 000 collaborateurs à temps plein en France et on recrute en moyenne entre 9 et 12 000, enfin autour de 10 000 collaborateurs, soit pour les besoins de renouvellement de l'effectif, soit pour les besoins du développement du groupe, et il continue à se développer année après année. Derrière ces chiffres, il y a des victimes supplémentaires. Je suis absolument déterminé à tout mettre en œuvre pour que les résultats des trois derniers mois soient accidentels, et ne traduisent pas une amorce de renversement de tendance. Les établissements scolaires, les violences dans les établissements scolaires, les bandes, les violences sont particulièrement issues des armes. Les quartiers en région parisienne sont particulièrement victimes de la violence des bandes. Les violences des derniers temps. Les bandes.

derrière ces chiffres, il y a des victimes supplémentaires. Je suis absolument déterminé à tout mettre en œuvre pour que les résultats des trois derniers mois soient accidentels et ne traduisent pas une amorce de renversement de tendance. La réalité, c'est que de nouvelles formes de délinquance se sont développées ces derniers temps. Les bandes, les violences dans les établissements scolaires, le trafic de drogue et celui des armes. Une vingtaine de quartiers en région parisienne sont particulièrement victimes de la violence des bandes. Une infime minorité de cailloux, qui ne représentent que quelques pourcents de la population de ces quartiers, tentent d'imposer la loi de la jungle à des habitants qui ne demandent qu'une seule chose, vivre en paix. Les services de police ont comptabilisé plus de 200 bandes en région parisienne, 5000 individus, qui multiplient rixes et agressions. La recherche de l'affrontement avec les forces de l'ordre marque le paroxysme de cette dérive. Elle est particulièrement grave quand on s'en prend physiquement à une personne chargée de protéger, de secourir, de soigner les habitants d'un quartier. C'est la communauté nationale qui est visée. Les agressions dirigées contre les policiers ou les gendarmes ne sont ni plus ni moins qu'un défi lancé à la République. La France a compté 25 000 faits de violence contre les agents dépositaires de la force publique en 2008. Les Français ont été particulièrement choqués par plusieurs événements récents. Le 14 mars, 10 policiers ont été blessés par tir de fusil au Mureau après être tombés dans un véritable guet-apens tendu par une trentaine de voyous. Récemment, 2 policiers ont été blessés lors d'une échauffourée avec un groupe d'une vingtaine de voyous dans l'Essonne. Récemment, deux policiers ont été blessés lors d'une échauffourée avec un groupe d'une vingtaine de voyous dans l'Essonne. À Villiers-le-Bel, les insultes, jets de pierre contre les forces de l'ordre font désormais partie du paysage quotidien. Et le 17 mai à La Courneuve, une nouvelle étape a été franchie. Avec l'attaque d'un véhicule de police au moyen d'une arme de guerre, pour tenter un con de faire évader des malfaiteurs. Il faut mettre un terme à ces dérives criminelles immédiatement. Nous ne laisserons pas bafouer l'autorité. Les agresseurs de la Courneuve. Daniel Cohn-Bendit et Cécile Duflo, la secrétaire nationale des Verts. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Messa. Votre invité. Robert Bourgi, avocat, inconnu du grand public. Il a été surpris par l'ancien président gabonais Omar Bongo et il connaît très bien son fils Ali Bongo, nouveau président du Gabon. Robert Bourgi est un excellent connaisseur de l'Afrique. Il conseille officieusement le président de la République sur ces questions. Son interview ce matin sur RTL est une première. Nous parlerons notamment du Gabon et de la politique de la France dans ce pays. RTL Matin. Et à 8h10 sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez donc un proche du président Sarkozy, qui plus est, grand connaisseur de l'Afrique et notamment du Gabon. Bonjour, Robert Bourget. Vous avez été initié aux réalités de l'Afrique par Jacques Foccart, conseiller général de Gaulle, et de Jacques Chirac pour les questions africaines. Et à votre tour aujourd'hui, vous aidez le président de la République sur ces dossiers. Vous êtes traditionnellement discret sur votre rôle et votre intervention sur RTL ce matin est une première. Votre intervention est intéressante ce matin parce que vous connaissez bien le nouveau président du Gabon, Ali Bongo. Dans le journal Le Monde du 29 août, c'est-à-dire la veille de l'élection présidentielle gabonaise, vous disiez, je vous cite Robert Bourgi, « Au Gabon, la France n'a pas de candidat, mais mon candidat c'est Ali Bongo. Or, je suis un ami très écouté de Nicolas Sarkozy et de manière subliminale, l'électeur gabonais le comprendra. » Donc Robert Bourgi, Ali Bongo était bien le candidat de la France dans l'élection présidentielle. Monsieur Apathy, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Effectivement, je m'exprime rarement. Et je ne suis point le conseiller officieux du président de la République. Je suis un ami du président. Il est de mon devoir de temps à autre de lui passer des messages. Non. Situation en Afrique, dans tous les domaines. L'élection d'Ali Bongo à la présidence du Gabon, est-elle une bonne nouvelle pour la France? Était-ce le candidat de la France? Non. Je vous assure, monsieur Apathy, non. Je vous assure, dans tous les domaines. L'élection d'Ali Bongo à la présidence du Gabon. Est-elle une bonne nouvelle pour la France? Était-ce le candidat de la France? Non. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est actuellement 22h20, à l'horloge de Canal Sud, dans le studio. Et nous écoutons donc les discours et les commentaires sur la vie intime de notre monsieur le président de la République, monsieur Nicolas Sarkozy. Il est effectif qu'on n'a absolument rien compris depuis le début, puisque j'ai tout coupé en petits morceaux et qu'on ne comprend rien de toute manière à cette émission qui est incohérente, comme à son habitude. Et d'ailleurs... Passons. Ensuite, il reste 2-3 commentaires à faire, notamment sur la longueur. Désolé, excusez-moi, j'étais occupé à aller aux toilettes et à rôter pendant ce temps. Vous avez notamment remarqué que je ne m'entends pas. Non, effectivement, je ne m'entends pas, donc je ne puis vous commenter donc ma voix, ma si belle voix ou ma si moche voix, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, en parlant de foutre, puis-je? Non. Bon, d'accord, c'est pas grave. Non. C'est Nuisance. Nuisance, c'est une émission qui nuit au sens, c'est une émission de toutes les nuisances. Comme d'habitude, on n'en a rien à foutre, on vous encule et allez tous vous faire mettre. Bien sûr, la population française va se faire mettre aussi. Moi-même, pareil. Je vais me faire mettre. Et ensuite, en parlant de se faire mettre, eh bien non. Non. Eh bien oui, justement, non. C'est pas le moment. J'étais en train d'aller aux toilettes quand justement ça m'a pris de vous parler et je suis effectivement à la hâte. Pris, je veux dire. Non, Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Je vous assure, monsieur Apathy. Écoutons donc ce que ce bon monsieur a à nous dire sur l'avis de monsieur le président de la République, monsieur le Nicolas Sarkozy. Il n'est intervenu ni avant le processus électoral, ni pendant, ni après. Bien au contraire, monsieur Apathy. La France est intervenue auprès des chefs d'État africains de la région, et j'en sais quelque chose, pour apaiser les esprits. Alors je lis ça et là que le président Bongo avait reçu parmi les trois candidats seulement Ali Bongo. Or, il ne l'a reçu qu'une seule fois en 2008. Décembre 2008. En juin 2008. C'était pendant le salon du Bourget. Les journaux. Il vous est attribué dans Le Monde, à quel sens ? J'étais avec ces pays africains francophones. A possédé des biens en France, Jean-Pierre Cotte, est envoyé dans son ambassadeur, voilé de menaces. Le président Né et elle, je ne suis pas si l'ambassadeur du Gabon en part. Moi, je suis claire, je suis complètement claire. La conscience est quelque chose de très important. C'est Ravel qui disait « je préfère la conscience ». Et je pense que c'est pas mal de remettre un peu dans la tête des jeunes générations l'importance d'une certaine éthique morale, Lors du Conseil national de l'UMP samedi, Nicolas Sarkozy, très en verve à la fin de son discours, lancé devant un parterre réjoui. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Provocation, réplique la gauche, pour Marie-Georges Buffet, c'est d'abord sur la forme que cette déclaration pose problème. Il n'est pas digne d'un président de la République de se lâcher, parce qu'en voyant les images et en écoutant les propos, j'ai eu l'impression d'un gamin revanchard qui faisait rire ses copains sur une blague très douteuse. Mais la gauche n'est pas seule à réagir. François Bayrou aussi s'indigne de ses propos. Selon le leader du Modem, ils sont le signe du mépris de Nicolas Sarkozy pour la grève. Je pense qu'il ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de personnes en France qui, au fond, ont toujours l'idée que dans une situation difficile, eh bien, il reste au moins ce recours quand on n'est pas le plus fort. En parlant comme il le fait, il me semble qu'il heurte et qu'il blesse beaucoup de Français qui partagent cette histoire, cette tradition qui fait que la France a été un pays avancé socialement plus que les autres. À droite, la réponse est venue de Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, qui affirme que le président a simplement voulu dire que les relations sociales sont en train de changer. Nicolas Sarkozy qui a reçu cet après-midi les syndicats de l'usine ArcelorMittal de Gandrange à l'Elysée. Ils étaient venus lui demander de tenir ses promesses. La fermeture partielle de l'usine a été confirmée vendredi avec 575 suppressions d'emplois à la clé. Or, le chef de l'État avait promis lors d'un déplacement en Moselle en février de tout faire pour maintenir le site en activité. Il avait même esquissé un plan de reprise. Ce soir, c'est ArcelorMittal qui annonce un investissement de 30 millions d'euros et la création de 124 nouveaux emplois sur le site. Philippe Roy-Contensin, vous étiez à l'Elysée pour RTL et le président, vous êtes à l'Elysée pour RTL et le président, lui alors, que dit-il ? Écoutez, le maintien de l'acierie électrique de Gandrange n'est plus du tout à l'ordre du jour, mais le gouvernement a obtenu des solutions alternatives. Des précisions de Luc Châtel, le porte-parole du gouvernement. Aucun personnel ne sera laissé sur le carreau. Il n'y aura pas de licenciement et c'était évidemment la priorité du gouvernement. Ensuite, nous avons obtenu, grâce aux échanges nombreux avec l'entreprise ArcelorMittal, un certain nombre de points très importants qui étaient attendus par les représentants des personnels. D'abord, le groupe Mittal va investir 30 millions d'euros sur le site de Gandrange dans de nouvelles activités, notamment dans la construction de poutrelles de bâtiments, ce qui créera sur le site de Gandrange 124 emplois supplémentaires. Alors ArcelorMittal et l'État vont financer également à hauteur de 20 millions d'euros des projets de formation et de recherche dans la région. Enfin, la société d'électricité Poweo va implanter une, voire deux centrales de production électrique sur les sites de la vallée de l'Orbe et de la Fenche. Nicolas Sarkozy a annoncé par ailleurs qu'il se rendait en compagnie du président d'ArcelorMittal, l'Indien Lakshmittal. Problème de la France, monsieur Gallet. Si vous avez à peu près 1 600 000 personnes condamnées, vous avez dit quelque chose qui est très juste, à survivre. Et vous passez de la survie à la vie, parce qu'en plus du revenu de l'assistance, vous avez le revenu du travail. C'est la clé de la société française d'aller sortir de ce 1 600 000 de nos compatriotes qui n'ont plus rien. On va les sortir en leur disant La voie de sortie, c'est le travail. Encore le travail. Et toujours le travail. Excusez-moi, Jean, ce que je veux dire, moi, en fin de compte, le RSA, c'est pas de la connerie, c'est de l'intelligence, c'est tout. Vous excusez pas pour dire un truc comme ça, monsieur Gallet. C'est très bon. C'est très très bon. J'aurais pas dit exactement avec ces mots-là, parce que si je le dis, moi, ça va faire une histoire universelle. Mais je dirais désormais, écoutez José Gallet, voilà ce qu'il a dit. Ils sont donc sains et saufs et l'on en sait maintenant un peu plus sur les conditions de leur libération. Jean-Yves et Bernadette Delanne, les deux otages français du Caredas retenus par des pirates somaliens, ont été récupérés la nuit dernière grâce à l'intervention de l'armée française. Une intervention en pleine mer qu'a détaillé ce matin Nicolas Sarkozy. Pierre Julien, le président français a lui-même donné aux militaires l'ordre d'intervenir. Oui, tout à fait. Informé en temps réel de la situation grâce à une surveillance aérienne des Atlantiques 2, rapport des agents de la DGSE et des unités sur zone, le président la République a été alerté hier soir que la météo était un peu plus favorable pour donner son feu vert à l'opération. Depuis trois jours, en effet, la mer était de force 5, là où trop forte pour intervenir dans de bonnes conditions, car l'assaut s'est déroulé finalement au large de la côte somalienne. Les pirates, qui étaient 7 à bord du voilier, tenant en respect sous la menace de leurs armes le couple de Français, avaient pris le cap du village d'Aïl, le bastion des bandits des mers sur la côte est de la Somalie, où 150 personnes sont toujours retenues en otage, 15 bateaux capturés. Il était donc hors de question de les laisser faire, car la récupération de Jean-Yves et Bernadette Delanne aurait été beaucoup plus difficile. C'est donc de nuit qu'un hélicoptère a décollé de la frégate Courbet qui pistait le voilier. Les commandos marines ont ensuite été largués avec leur matériel, leurs canons, et ont progressé dans le plus grand silence dans le bateau. Grâce à leurs jumelles à vision nocturne, ils ont parfaitement repéré les hommes et ont réussi à les prendre par surprise. Un des pirates a fait prendre ouvert le feu avant d'être tué. L'assaut a duré 10 minutes. Pas de blessés côté français, les otages libérés, donc sains et saufs, ont été conduits sur le Courbet. Les pirates somaliens, 6 prisonniers, donc un mort, étant... C'est Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Sur Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine, pardon. Ou sur canalsud.net, sur le web. Le téléphone de cette radio est le 05 61 53 36 95, je répète le 05 61... 53 36 95. Et nous sommes, si je ne m'abuse, le 23 décembre 2011. De malfaiteurs ne seraient pas arrêtés sur la pente du crime. Et puis, vous ajoutez l'argument par lequel on a un peu affolé l'opinion publique. Vous disiez, la criminalité va croissant en ce pays. Elle nous inquiète, elle nous trouble. Nous sommes menacés de notre sécurité. Et comme la peine capitale est seule capable de nous donner des garanties, nous pensons que le moment n'est pas venu de la supprimer. Plus tard, quand la société aura pris des mesures de précaution, quand elle aura organisé tout un système social de défense meilleur que celui qui existe, alors peut-être l'abolition sera-t-elle admissible. J'accepterai ces raisons à la condition qu'il me fût prouvé qu'elles ont une base, qu'elles ne sont pas le résultat d'affirmations faciles qu'on peut toujours produire à la tribune. Recherchons si la peine de mort présente les qualités que doit avoir un châtiment dans une société civilisée. Elle devrait être tout à la fois moralisatrice et intimidante. L'est-elle ? Voilà tout le problème, messieurs. Moralisatrice ? Il n'est personne parmi les partisans de la peine de mort qui est osé soutenir que la peine de mort soit moralisatrice. Elle l'est si peu que ceux qui en demandent le maintien sont d'accord pour qu'elle soit appliquée dans l'obscurité. De même que le meurtre privé se cache par crainte, vous demandez que le meurtre social se cache par honte. Eh messieurs, c'est une précaution que l'on comprend vraiment quand on a assisté à une exécution capitale. Autour d'une exécution capitale, il y a tout un ensemble d'opérations, de mouvements, de gestes qui sont répugnants. Ces gestes, Qui donc les fait ? L'exécuteur des hautes œuvres, ses aides. Ah, c'est elle qu'apparaît l'hypocrisie sociale. L'exécuteur des hautes œuvres, ces aides qu'il faut imposer à l'habitant par des réquisitions et qui sont entourées comme d'une atmosphère de réprobation. Ces hommes chargés de commettre l'acte social le plus solennel et dont devrait le plus s'enorgueillir la société, on les isole. Pourtant, la société, dans cette conséquence, est personnifiée par l'exécuteur des hautes œuvres, le bourreau. L'exécuteur et ses aides, ils sont ses mandataires. Leurs opérations, leurs gestes sont les opérations et les gestes de la société. Je n'insiste pas sur le point de vue moralisateur, nous sommes tous d'accord. L'honorable monsieur Barrès a justement flétri ses spectacles. Eh bien, voilà une peine déjà privée d'une qualité essentielle. La peine de mort est-elle du moins exemplaire ? On vous a rappelé combien de criminels, au moment de l'exécution, ont avoué avoir assisté antérieurement à de tels spectacles. Si la peine de mort a une puissance d'intimidation, sa suppression doit amener immédiatement une recrudescence de crimes. Si cette recrudescence ne se manifeste pas, c'est que l'abolition demeure sans effet. Or, c'est la conclusion à laquelle on aboutit quand on considère les différents pays où la peine de mort a été supprimée. Et quand on ne prend pas les chiffres d'une année pour les opposer arbitrairement à ceux d'une autre année, mais quand on prend des données suffisamment longues, des périodes de 10 ans par exemple. J'ai retenu une partie du discours de l'honorable M. Barrès. M. Barrès semble voir dans la réprobation qu'éprouve ce pays pour la peine de mort une sorte d'affaiblissement de son énergie morale et comme la marque de quelque impuissance. Pour ma part, j'ai étudié la question au point de vue de l'utilité de la peine. Je me suis dit, si les chiffres de la criminalité, soit en France, soit à l'étranger, démontrent qu'il serait imprudent de supprimer la peine de mort en ce moment, s'il m'apparaît qu'elle a une puissance d'intimidation, eh bien, je le dirai à la Chambre et je renoncerai à soutenir le projet du gouvernement. C'est parce que, de tous les documents que j'ai consultés, il est résulté clairement pour moi que la peine de mort était inefficace, qu'elle n'était pas intimidante, comme on l'a dit, que je me suis présenté devant vous pour tâcher de vous faire participer à la conviction profonde qui s'est faite en moi. Au surplus, je terminerai par là, on a traité bien légèrement le côté le plus grave du problème. La peine de mort n'est pas réparable. Oh, je sais, on a dit, oui, il y a bien d'autres choses qui ne sont pas réparables dans la vie. Il y a bien d'autres cas dans lesquels des injustices irrémédiables s'accomplissent, messieurs. Ici, c'est la société qui agit. Le Parlement est ainsi composé de deux chambres. Il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs qui aurait pour résultat que le gouvernement de la France ne serait jamais plus un assemblage de délégations. C'est donc le chef de l'État. Aristide. Le Parlement est ainsi composé de deux chambres. Il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs qui aurait pour résultat que le gouvernement de la France ne serait bientôt plus un assemblage de délégations. C'est donc le chef de l'État élu par un collège électoral qui englobe le Parlement mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française en même temps que celui de la République, c'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. Ah. said now we have arms to such an extent as the world has never before seen. We have no tolerance and outrage to control the defense of this arena. Instead now we have arms to such an extent as the world has never before seen. We have no tolerance and outrage to control the defense of this arena. Instead now we have arms to such an extent as the world has never before seen. We have no tolerance and outrage to control the defense of this arena. Instead now we have arms to such an extent as the world has never before seen. Dernier discours de Jean Jaurès, prononcé le 25 juillet 1914. Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Ah, citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure entre l'Autriche et la Serbie signifie nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l'heure actuelle, des chances terribles, et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter. Citoyens, la note que l'Autriche a adressée à la Serbie est pleine de menaces. Et si l'Autriche envahit le territoire slave, si les Germains, si la race germanique d'Autriche fait violence à ces Serbes, qui sont une partie du monde slave et pour lesquels les Slaves de Russie éprouvent une sympathie profonde, il y a à craindre et à prévoir que la Russie entrera dans le conflit. Et si la Russie intervient pour défendre la Serbie, l'Autriche ayant devant elle deux adversaires. Jean Jaurès. Discours à la jeunesse. Distribution des prix du Grand Lycée de Toulouse, 1892. Jean Jaurès, en sa qualité d'adjoint au maire de Toulouse, délégué à l'instruction publique, présidait cette distribution des prix. Mesdames, Messieurs, jeunes gens, je me félicite beaucoup du grand honneur qui a été fait, en ma personne, à la municipalité de Toulouse. Il me permet d'abord de remercier en votre nom M. Gilbeau de son piquant et curieux discours. La réhabilitation de ces pauvres rêveurs d'alchimistes par la science positive contemporaine est un fait très remarquable et très suggestif. Ils ont bien en effet créé la chimie moderne, et non pas indirectement et par ricochet. S'ils l'ont préparée, ce n'est pas seulement parce qu'à propos de leur chimérique recherche, ils ont rencontré des observations de détail. C'est surtout parce que ces recherches mêmes impliquaient le principe de l'unité chimique, qui a été la lumière et la vie de la chimie moderne. Ils n'ont eu qu'un tort. C'est d'élire entre tous les corps un roi, l'or, auquel ils rapportaient tout. C'est la série tout entière qu'ils auraient dû considérer comme un individu chimique dont tous les corps ne sont que des modes particuliers. Et alors, ils auraient entrevu la possibilité théorique, non pas seulement de convertir certaines substances en or, mais de convertir toute substance en toute substance. Ainsi, à la confusion des esprits lourdement positifs, si les alchimistes se sont trompés, ce n'est pas par excès de hardiesse, mais par excès de timidité. Je serais tenté, je l'avoue, de retomber dans mon péché favori et de réclamer la même équité bienveillante pour d'autres chercheurs d'absolu. Pour ces grands alchimistes des sociétés humaines qui, de 1800 à 1848, ont refondu au creuset ardent de leur système les institutions sociales et les faits sociaux, qui ont voulu convertir en solidarité les brutalités de la vie et transmuer en or le plomb vil des égoïsmes et des appétits. Mais de ces alchimistes-là, il serait prématuré même de dire ici le véritable nom, et je laisse aux distributions des prix de l'avenir le soin de les réhabiliter. Je suis heureux aussi de constater les beaux succès du lycée, dont la ville de Toulouse est justement fière. Cette année, vous l'avez comblé. Vous avez eu 35 admissibles à Saint-Cyr, 8 nominations au concours général, dont un prix d'histoire, et 4 admissibilités à l'école normale supérieure, dont 2 pour la section de lettres. De mon temps, pour la section des lettres, on ne se préparait qu'à Paris. Il y a là, au profit de Toulouse, un commencement de cette décentralisation intellectuelle et universitaire dont il a été beaucoup parlé. Je n'ai pas assez d'autorité pour oser féliciter de ce beau succès les professeurs du lycée. Je leur demande seulement la permission de m'en réjouir avec eux. Me voici arrivé maintenant à la partie embarrassante de ma tâche. Mes fonctions m'obligent presque, jeunes gens, à vous donner quelques conseils. Et je ne sais trop si j'en ai le droit. Il en est important, un seul, que je puis vous donner sans présomption, sans empiétement téméraire sur votre liberté, car je veux vous avertir précisément et vous presser de sauvegarder toujours votre liberté intime, d'être et de rester des personnes, d'être et de rester vous-même, et de développer en vous la vie vraiment individuelle, la vie intérieure et profonde. Vivre pour autrui, mais vivre avec soi-même. Voilà quelle est, à mon sens, notre double loi. Et avec les nécessités extérieures toujours plus pressantes, avec les fatigues croissantes de la civilisation, il n'est peut-être pas inutile de le rappeler. Ce n'est pas, vous m'entendez bien, que je veuille vous convier à une sorte de solitude mélancolique et hautaine, dédaigneuse de l'action et oubliée de la solidarité. Avec des disciplines militarisées et caporalisées. Ces régions étranges où notre soleil même fait partie comme les autres du domaine de la nuit. Les génies les plus humbles avaient besoin d'isolement, comme les génies alpins. Et Joseph Delorme gémissait d'être emporté vers la vie, dans un des rares beaux vers qu'il nous a laissés. Adieu, besoin du cœur, solitude, silence. Encore une fois, je ne vous appelle point dans cette solitude des premiers temps du siècle. La même qui à un moment ils ont fortifié leur génie et exalté leur âme, n'ont pas tardé à en sortir pour se mêler à l'action et à la vie. Joseph Delorme échappait aux rêveries, aux tristesses et aux consolations intimes, et tournait vers les hommes et vers les choses, sa curiosité multiple. Il changeait même de nom et s'appelait Sainte-Beuve. La solitude avait tourné au feuilleton. Lamartine, après avoir été le poète des lacs, devenait le barde des révolutions. Et dans la cour de l'hôtel de ville, il haranguait les multitudes du haut de son cheval que, dans sa langue délicieusement surannée, il appelait son nom. Pas de moi de talent, enculé ! Combattant, pas de moi de talent ! Abandonner son génie au monde de la démocratie et du sécurité, comme la nuit, au temps zéro, que je quitte son cou en descendant au fleuve de Fléau. Les villes de Michel communiquaient et déroulaient en tête par la porte. Il ramène les bruits dans les cimes. Parle-moi de ton gargarine. Vous les suivons. Parle-moi de romantique. Vivant affairé. La paix féconde. Je t'aime pas. J'ai toujours été je t'aime pas. Bien des curiosités qui font sourire les jeunes gens d'amour. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Je ne peux pas t'aimer. Les esquives exagérées. Porter Vous rappelez-vous les mauvais vers de Joseph Delorme ? À le voir s'il voûtait, l'on dirait un aïeul. Et du fou, ouais, baisse-moi, salope. Ouais, baisse-moi, ouais. Ouais, vas-y, je vous souhaite. Ah ouais, baisse-moi. Vous êtes quelqu'un si fatal. Fuck, motherfucker. Ouais, je suis fucker. Nous sommes dégués. Éric, nous t'aimons les uns et les autres. Nous les uns du village de la semaine. Wiping out this full of shit, it's full of shit. Regarde la musique, j'aime la musique. Et de bonheur, vous faites ces fonds. Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 carrière, et vous êtes sur Canal Sud.net. Vous entendez? Jesus! Jesus! Vous êtes pris déjà par les choses extérieures. Apprends-moi le cul, salope! La nécessité. Vas-y, plus profond, clémentiellement, quand dans la merde, tu t'amerces-moi! Ouais! Dans mon cul de merde, vas-y, mets la ouais! Avec ses sévérités nouvelles, plus de légendes d'épopées héroïques, et sauf quelques échappées coloniales, plus d'aventures, on s'en tue. La force individuelle prise en ouais, moi ce que j'aime dans le jeu, c'est la trompette, tu vois. Et comme la trompette, discipline. Vous êtes sévéré à trompette, et vous ne savez pas si c'est la guerre qui tranchera les problèmes. Ouais, parlons-en de la guerre, bordel de merde. C'est juste un ce qui me plaît. La guerre, ouais, Peter. Faut que la guerre, pendant. Et si la crise suprême éclate, tu seras empalé. Est-ce que tu seras empalé, ouais. On se fait empalé maintenant, on se fait empalé. Thank you. dans la Kélé-Berne. Des achats dans Kélé-Tres-Mes de la merde. Quelle soit, vous portiez toujours en vous l'accompagnement sublime des chants immortels. Il faut, lorsque vous étudiez les propriétés du cercle, de la sphère et des sections coniques, que vous vous sentiez frère par l'esprit d'Euclide et d'Archimède, et que, comme eux, vous voyiez avec ravissement se développer le monde idéal des figures et des proportions, dont les harmonies enchanteresses se retrouvent ensuite dans le monde réel. Il faut, lorsque vous étudiez en physicien, par l'observation et le calcul, la subtilité et la complexité mobile des formes, que vous sentiez le prestige de l'univers, relativement stable, tremblotant et éternel, et que votre conception positive des choses s'élargisse dans le mystère et dans le rêve, comme ces horizons des soirs d'été où l'œil même croit démêler les subtiles mutations des forces dans l'infini mystérieux. Alors, jeunes gens, vous aurez développé en vous la seule puissance qui ne passera pas, la puissance de l'âme. Alors, vous serez haussé au-dessus de toutes les nécessités, de toutes les fatalités et de la société elle-même, parce qu'elle aura toujours de matériel et de mental. Alors, dans les institutions extérieures, en quelque manière que l'avenir les transforme, vous ferez passer la liberté et la fierté de vos âmes. Et de quelque façon qu'elle soit aménagée, vous ferez jaillir dans la vieille forêt pleine l'immortelle fraîcheur des feux. Jean Jaurès, pour la laïque, 1892. La morale laïque, c'est-à-dire indépendante de toute croyance religieuse préalable, est fondée sur la pure idée du devoir. Existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. Devoir existe. 2000 years ago. 2000 years ago. The proudest boat was Kiwis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. There are some who say, that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. De l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice, mon gouvernement n'a pas raison de la patrie, que d'accord avec ses alliés, que nos armes seraient livrées. Dernier combat, nous ont fait perdre la bataille de France. Voilà, c'était Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui est mise au sens sur Canal Sud 92.2 FM. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon, c'est passé. Et donc, je vous dis bonne soirée et à vendredi prochain.